J'essaie de vous faire une vidéo, vous en faire une de temps en temps, puis là aujourd'hui j'ai bien de la misère parce qu'il y a du bruit tout le temps. Aussi bientôt je vais recevoir de la visite. Donc je manque de temps un peu. Par rapport là, à la colère, il y a la différence entre une colère psychologique puis une colère mentale. Comment on perçoit la différence? Ben, tout simplement par les effets que ça produit. Par rapport là, à la conscience psychologique, la conscience psychologique, c'est juste comme une callosité qui se formerait au niveau d'une friction de l'expérimental. C'est un peu en se frottant aux événements que se développe au niveau d'un jeu subtil entre l'inné et l'acquis, en s'enregistrant dans le psycho-émotionnel de l'ego, dans l'homme, une conscience psychologique qui est un peu, comme je vous dis, une callosité qui se forme au niveau d'une friction qu'on pourrait appeler l'expérimental. Planétaire. Je déparle un peu. Je pense que je suis fatigué un peu. Dernièrement, on a notre bon gouvernement qui est entré dans une nouvelle phase de sa façon de communiquer. Ben, ça fait un bout de temps qu'il prépare ça. Nous sommes à l'ère de la télé-réalité, donc. Ça prend un peu, si on peut dire, là, il y a des équipes là, qui sont, au lieu de laisser des notes et puis d'avoir une certaine transparence, ben non, il y a des journalistes de nos amis de TVA qui s'en vont, qui ont suivi pendant un bout de temps le cabinet du ministre Dubé, puis on nous l'ajoute télé-réalité. Hein, parce que c'est pas la télé-réalité, c'est pas de la réalité dans le sens que on filme énormément, énormément de matériel, puis après il y a un montage. Il y a une mise en contexte, il y a tout le temps de production derrière qui joue. Puis c'est ça, moi, que je constate. Nous avons une comédienne dernièrement qui a fait une sortie. Bon, les artistes, ce sont des gens très sensibles. Mais pas sensibles au sens où je l'entends habituellement. Eux, c'est émotionnellement au niveau. Donc, il y a une certaine. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Impulsivité parfois. C'est pas mauvais, tout ça sert. Tout sert. J'ai jamais été contre quoi que ce soit, au fond, parce que tout sert. Je l'ai dit souvent, mais il y en a qui connaissent depuis pas longtemps. Bon, c'est quoi ça? Il m'apparaît des icônes par rapport. Pas des icônes, mais des fenêtres. Nous avons. Ah oui, je voulais dire quelque chose. Il y a un audio qui a été mis en ligne par David Lévesque, et je vais vous mettre le lien. C'est Marc de la Salle avant son décès, quelques années avant son décès, qui parlait les nouveaux initiés. C'est un enregistrement auquel j'avais eu accès et que j'avais trouvé excellent. Donc, je vais vous mettre le lien. Moi, je vous dis, je considère ça comme excellent. Par rapport à notre ami, entre guillemets, ami, dans le sens que nous n'avons que des amis en ce monde. Notre amie qui a fait une sortie, la comédienne, là. La connaissance, la dame connue de vue parce qu'elle passe à la TV depuis 25 ans, eh bien, cette dame-là, elle va se rendre compte qu'elle a peut-être moins d'amis qu'elle le pensait, ou que certains de ses amis n'étaient pas des vrais amis. Il y a quelque part, là, une sorte d'entrée un peu dans le réel. Tout ça grâce à quoi? Grâce à une certaine impulsivité. Mais derrière l'impulsivité, il y a les mises en vibration. Puis nous sommes amenés à vivre ce que nous vivons. Nous sommes testés à travers ce que nous sommes. Et comme le libre arbitre n'existe pas, ben, c'est pas l'ego psychologiquement qui doit se sentir, si on peut dire, mis en jeu. Il est mis en jeu, oui. Mais on ne peut pas prendre ce qui nous arrive trop personnel non plus. Parce que notre expérience ne nous concerne pas à ce niveau-là. C'est quoi? Comment il disait ça, Don Bernard? C'est pas de vos crises d'affaires ce qui vous arrive. Ça a l'air fou. C'est surprenant parce que c'est l'ego qui subit. Mais pourquoi est-ce que l'ego subit, puis subit, subit? Parce que soit on accumule de la pollution, soit on la brûle. Soit on acquiert de l'objectivité, soit on acquiert de la subjectivité. Et parfois, à force d'acquérir de la subjectivité, il y a des vieilles choses, des vieilles structures au niveau, comment je pourrais dire ça, du psychologique, du psycho-affectif qui brisent. Et c'est nécessaire. Donc, la souffrance, c'est quoi? Comme j'ai dit il y a plusieurs années, c'est quoi de la souffrance? C'est de l'information. Mais oui, si vous marchez sur un tesson de verre et que vous vous blessez le pied, ben il y a de l'information. C'est de l'information. Vous vous êtes mis le pied là où il fallait pas. Est-ce que vous êtes responsable de ça? Non. Par contre, à l'avenir, au niveau de votre âme, qui est censée essayer d'évoluer, ben essayez. Il est supposé avoir une évolution à ce niveau-là. Vous êtes censé avoir enregistré dans votre mémoire, c'est-à-dire dans votre âme, l'information comme quoi il faut pas se mettre les pieds n'importe où. Mais bien, comment est-ce qu'on acquiert de l'information comme ça? En se mettant les pieds n'importe où, au début. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, ça doit dépendre de la personne qui écoute. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant. C'était aussi pour faire un petit quelque chose, parce que je me dis, si je reste 3-4 semaines sans rien faire, il y en a qui vont s'ennuyer. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.